Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Sylvain Levet, auteur de la pièce de théâtre Jeunesse. Sans culotte et sans papier. Que vous pourrez voir au théâtre de l'usine à Erani le 17 novembre prochain. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Et ce soir, on a la chance d'accueillir en studio Sylvain Levet, auteur de théâtre. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. C'est pas tout à fait un hasard si on reçoit Sylvain dans cette émission. C'est parce que vous avez bientôt un rendez-vous au théâtre de l'usine à Erani, le dimanche 17 novembre après-midi exactement. Vous pourrez voir la pièce écrite par Sylvain Levet, sans culotte et sans papier, avec une interprétation et une mise en scène de notre ami, que je dise pas de bêtises, Rachid Akbal. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on a invité Sylvain à venir en studio. C'est aussi pour faire la promotion de cette pièce et en même temps de son travail d'auteur. On a l'habitude dans l'émission d'essayer d'un peu mieux connaître les gens qui viennent dans le studio. Qu'est-ce qu'on peut dire de Sylvain avant qu'il ne devienne écrivain ? Eh bien, Sylvain, il habitait pas très loin d'ici. Moi, je suis né à Maisons-Laffitte. Ah oui. J'ai grandi à Sartrouville, collège Darius Milhaud, lycée Evariste Galois, et puis après j'ai déménagé en Bretagne, mais cette région-là fait partie de mon enfance, de mon adolescence, voilà, et finalement c'est les années d'avant-écriture, puisque après, quand je suis parti en Bretagne, c'est là où j'ai commencé à écrire. C'est pas forcément la Bretagne qui fait écrire, hein, mais c'est le hasard de la vie, mais toujours est-il que voilà, je reste toujours attaché à ces villes, Sartrouville, Maisons-Laffitte, Beson, Houille, Achères, qui sont des villes où il y a beaucoup d'humanité, et voilà, j'y viens pas souvent, mais elles sont inscrites au fond de moi, en tout cas. Ouais, le 78, nos amis des Yvelines, que l'on salue au passage. Indépendamment du cursus scolaire, je crois que le football a eu beaucoup d'importance dans ta vie. Non. Oui, moi j'ai évidemment. Alors après, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui aiment le foot. Hein. Ce serait chouette que l'inverse soit vrai aussi, que les footballeurs et les footballeuses s'intéressent un petit peu plus à la littérature. Mais voilà, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est vrai que l'inverse serait chouette aussi. Oui, moi j'ai été bercé dans le football. Beaucoup de temps passé sur les terrains de la Frette-sur-Seine notamment. Voilà, où mon père était entraîneur, président du club, et que je passais mes mercredis, mes samedis, mes dimanches. Alors maintenant, je regarde un petit peu moins. On va dire que ce n'est pas en fonction de mon emploi du temps que je regarde les matchs. Si j'ai du temps, si je suis dans un hôtel en tournée, je vais facilement regarder un match. Mais oui, on a toujours une part de son enfance en soi. Donc le football, ça reste un jeu que j'aime et voilà, auquel je suis un petit peu l'actualité. Est-ce que, alors je n'ai pas la chance d'avoir lu toutes tes propositions théâtrales, est-ce qu'à un moment donné le football a joué un jeu important dans une de tes pièces ? Ben, j'en sors une là en septembre prochain, dans un an. Là. Il est déjà écrit depuis longtemps, mais il est en tournée en ce moment. Il a été créé à Genève, au théâtre Amstramgram. Ça s'appelle 3 minutes de temps additionnel. Donc c'est sur le foot, mais c'est surtout sur l'histoire de deux jeunes garçons africains qu'un club anglais fait venir en Europe parce qu'il mise sur eux en essayant de gagner un peu d'argent. Grand classique. Ça se passe pas tout à fait comme prévu, et du coup on les lâche un peu en pleine nature. Voilà, c'est une pièce qui parle pas forcément de football, mais dont le football fait partie prenante, est partie prenante dans cette histoire, mais c'est plus une histoire sur le monde politique et le monde social et le toujours l'antagonisme entre l'Occident et l'Afrique. Ouais, bien sûr. Mais le football est présent. Sans revenir complètement en arrière, je crois me souvenir dans notre entretien précédent que tu m'avais parlé d'un petit peu d'un atelier avec des jeunes qui avaient enclenché chez toi l'arrivée dans le théâtre, parce que finalement tu y es arrivé assez tard. Oui, moi j'y suis arrivé, j'avais un peu plus de 20 ans, alors c'est pas forcément tard, mais enfin si, c'est assez tard par rapport à plein de jeunes qui ont la chance de le découvrir maintenant dans les écoles primaires, au collège, au lycée. Il y a beaucoup d'ateliers. Moi, à notre époque, à mon époque, dans les années 80, les écoles, on n'allait pas, on rencontrait personne en dehors de notre enseignant. Et j'ai jamais eu l'occasion de faire du théâtre et ni de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le théâtre. Donc moi, j'ai découvert vraiment par hasard. J'avais, à peu près 20 ans. Et d'abord, j'ai été comédien amateur, puis, et puis après, j'ai fait beaucoup d'animations de théâtre. Et au cours d'une de ces animations, j'ai décidé d'écrire un texte pour des jeunes. Et de là est venue cette idée d'écrire, cette envie d'écrire. Et puis voilà, et puis c'est devenu après mon premier texte, puis mon deuxième, etc. Et puis ça fait 15 ans maintenant que ça dure. 15 ans, 17, 18, 19 pièces, je ne sais plus, il y en a tellement. Il y en a une vingtaine, je pense. Parce que, pour le coup, j'ai eu l'occasion avec Envolez-moi édition de m'occuper de pas mal d'auteurs. T'as eu de la chance quand même, parce que, ou plus exactement, ça doit être que tu écris très bien, puisque dès que tu as envoyé ton premier manuscrit, quasiment, il a tout de suite été pris par un éditeur. Oui, c'était question de chance aussi souvent. Enfin, moi, je suis très suivi et je suis énormément ma maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Théâtrales, qui est une belle maison d'édition qui fait partie un petit peu des 3-4 grandes maisons d'édition de théâtre avec l'Arche, Édition Théâtrale, Espace 34 et Quartet. À mon avis, ce sont les 4 grandes maisons. Donc j'ai la chance d'être dans une grande maison. Le fait est que après j'ai passé mon temps à écrire, effectivement. Et que voilà, c'est des parcours aussi de vie, c'est des hasards de vie. Je pense que j'avais ça en moi sans le savoir. Après, je crois pas aux choses innées, hein. Il y a aussi beaucoup de travail, de belles rencontres et savoir accepter ces rencontres-là qui font aller plus loin. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu de la chance dans mon parcours de tomber au bon moment, dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, ce qui a fait que j'ai avancé assez vite. Alors, on va pas catégoriser, mettre spécialité, mais enfin, l'écriture théâtrale de Sylvain Levet, c'est quand même une écriture en direction des jeunes, et même éventuellement des très jeunes. Et du coup, ma question, évidemment, ça va être, est-ce qu'il y a un mode d'écriture pour ce public-là ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que... Ce serait trop simple. Moi, j'écris... Pareil, il y a la même exigence. Alors, effectivement, sur 15 livres, je dois en avoir une dizaine en jeunesse et il y a quelques textes jeunesse qui ont marqué un petit peu l'histoire de la littérature jeunesse en théâtre, sans être prétentieux, hein, mais c'est vrai que des livres comme Wasmok, comme Sans culotte et sans papier, comme Alice pour le moment, comme Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, c'est des titres qui ont marqué un petit peu le paysage théâtral français pour la jeunesse. Et pas forcément français, parce que moi j'ai lu quand même que vous étiez traduit dans plusieurs langues étrangères. Oui, ben du en coup, anglais, ouais. En allemand, en serbe, tchèque, hongrois et aussi catalan. C'est ça, oui, il y a eu... C'est beau. Oui, c'est assez rigolo. Comment on écrit pour la jeunesse? On n'écrit pas différemment qu'une écriture pour les adultes, c'est-à-dire qu'on garde cette même exigence... mais on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit laisser une porte ouverte, on doit laisser un courant d'air, et on n'a pas le droit de mentir aux jeunes, on n'a pas le droit de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est super et que vraiment, mais on n'a pas le droit non plus de leur donner un flingue en leur disant, écoute, on s'en met tous une balle dans la tête et c'est terminé et ça sert plus à rien. Je crois que le théâtre doit donner aussi espoir, doit donner. Alors il s'agit pas que les textes finissent comme à Disneyland. Tout va bien, mais il faut toujours qu'il y ait cette envie d'être debout, cette envie de joie, cette envie de bousculer le monde, d'être en vie, tout simplement. Et ça, c'est une des particularités du théâtre jeunesse à mon goût. Oui, bien sûr. Alors, on est auteur, ce qui veut dire que forcément, pour arriver au public, enfin forcément... Non, tu pourrais être aussi metteur en scène et acteur, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je crois que tu l'es en partie. Mais souvent, ça veut dire qu'on va confier son texte à un intermédiaire qui va être le metteur en scène et ou le comédien. Du coup, est-ce qu'on est toujours content de ce passage par, je dirais, les metteurs en voix un peu obligatoires ? Bah, pas toujours, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que des bons plombiers ou plombières et des mots. Il n'y a pas que des bons chirurgiens ou chirurgiennes. C'est-à-dire que c'est des aventures humaines. Donc des fois, on confie notre texte effectivement à quelqu'un. On est un peu déçu par ce qui a été mis en route sur le plateau. C'est pas très grave. Je dirais que ce n'est que du théâtre avec. Pourtant, toute la passion que j'ai pour cet art et l'importance, à mon avis, qu'il a dans la société. Mais en même temps, un spectacle raté, ce n'est qu'un spectacle raté. Moi, j'essaye, je donne tous mes droits, c'est-à-dire que je ne fais pas de sélection sur qui veut monter mes textes. Parce que ce n'est pas mon travail et moi, mon travail, c'est d'écrire et je n'ai pas à couper l'herbe sous les pieds de gens qui aimeraient travailler. Pour moi, ce rôle-là revient au programmateur, au directeur et directrice de théâtre, c'est-à-dire, moi, j'ai jamais souffert d'une mauvaise mise en scène à partir du moment où un texte est bon. Je pense qu'il peut. Il vit déjà beaucoup. Il vit déjà et il peut accepter une mise en scène un peu plus moyenne. Donc voilà, il y a de tout. Il y a des fois, on est très content, mais humainement, il se passe pas grand-chose. Mais on est sur le plateau, on trouve ça très bien. Il y a des fois, humainement, il se passe beaucoup de choses, mais on est un peu déçu sur le plateau. De temps en temps, humainement, il se passe des très belles choses. Et sur le plateau, il se passe des très belles choses. Donc là, c'est le top. Et puis des fois, c'est l'inverse. C'est le marasme, c'est-à-dire qu'on n'aime pas... Il ne se passe rien humainement avec les gens. Et sur le plateau, on n'aime pas. Donc là, bah, c'est la vie, c'est comme ça, mais il y a quatre possibilités en gros, quoi. Et du coup, en tant qu'auteur, je suppose que tu vas voir à chaque fois, bien sûr, les mises en scène de tes textes, ce qui fait que tu as le recul que la plupart des spectateurs n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu ta pièce de théâtre jouée, interprétée par différentes compagnies. Et du coup, il en ressort quoi? Ça donne quoi comme impression quand on est auteur de voir sa pièce jouée par différentes compagnies à différents endroits? Ça fait quoi? Ça fait un grand kaléidoscope de plaisir? Ça fait tiens, ça c'était une bonne idée, je pourrais la souffler au suivant? Ça fait quoi? Bah, c'est le... Alors moi j'écris... Je dirais pas principalement, mais on va dire que l'écriture, moi je suis très attaché au livre. Voilà. Je suis très attaché à la littérature. Ça se sent, il y a vraiment un style. Hein. Ouais, moi c'est les livres qui m'intéressent. Alors après, quand c'est joué, tant mieux et je ne le réfute pas, loin de là. Mais après, alors oui, c'est du plaisir et tant bien même si on trouve ça moyen, il se passe quelque chose humainement. Alors oui, non, je regarde pas forcément s'il y a des bonnes idées et que je vais les reprendre pour ailleurs. J'essaye de voir, mais en fait, souvent, si c'est cohérent. Et puis après, il y a tellement de façons de monter le texte entre des gens pour qui c'est une première création et qui travaillent avec un tout petit budget et des grosses compagnies qui travaillent avec des gros budgets. En fait, j'ai la chance, moi, de travailler un petit peu dans tous les... un peu d'être transversal, c'est-à-dire je vais autant travailler des compagnies qui ont des... Enfin, des textes à moi vont être montés par des compagnies à petit budget que des compagnies à gros budget qui tournent dans des gros théâtres. Et les deux ont des avantages, des inconvénients, les deux apportent autre chose et autre chose. C'est difficile de juger, en tout cas, je fais jamais de classement dans les propositions. Et puis le théâtre, c'est très compliqué, ça dépend d'un jour sur l'autre aussi, ça dépend d'un public, ça dépend d'un état de forme, ça dépend de plein d'autres choses. Donc voilà, après c'est toujours du plaisir que des gens s'emparent d'un texte et réfléchissent et construisent et rêvent et qui passent un temps devant des publics qui vont réfléchir à leur tour, discuter le lendemain au petit déjeuner avec leurs enfants et peut-être voilà, faire avancer leurs pensées puis rêver aussi tout simplement. Vous êtes bien sûr Radio RGB dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. On va faire une petite pause musicale proposée d'ailleurs par Sylvain Levet, auteur de théâtre, notre invité. Et je crois qu'il s'agit de... Dominica dans un camion. Voilà, super, on y va. Sur les vitres teintées s'écrasent nos allées chargé du vin d'hier, nous rions comme baleines. La route est une mer qu'aucun rouleau n'agite. Les péages comme des îles balisent notre fuite dans un camion. dans la plaine dévolue à la station service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices dans un camion. Dans un camion. Ne nous attendez pas, nous ne reviendrons jamais. Et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, plutôt que d'arrêter, et passerons sans le voir, dans un feu de forêt. Voilà. Nous revenons dans notre studio pour l'émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Ce soir, on accueille l'auteur de théâtre Sylvain Levet. On a, en première partie, j'ai envie de dire, mieux fait connaissance avec Sylvain, qui nous a raconté plein de choses intéressantes sur son métier d'auteur, puisque c'est bien un métier. En l'occurrence. Maintenant, est-ce que on va peut-être parler un peu plus de cette pièce Sans culotte et sans papier qui sera présentée prochainement au théâtre de l'usine. Et pour rentrer dans le texte, est-ce que tu accepterais, Sylvain, de nous lire un petit extrait? Ça nous permettra ensuite justement d'en parler plus en détail. Eh ben oui, avec plaisir. Alors c'est sans culotte, donc C-E-N-T, hein, comme le chiffre, et sans papier, comme les sans-papiers. Donc voilà un petit extrait. Une tache de sang, comme un soleil rouge et autour un mouchoir. Une larme de colère qui se perd dans la fibre et autour un mouchoir. Une larme de colère qui se perd dans la fibre et séchera avant l'été. Une tache, une larme et autour un mouchoir. Laissé là au pied de l'arbre par l'enfant après la bagarre. La tache, la larme, le mouchoir jeté là au pied de l'arbre par l'enfant qui a perdu la bataille pour le pouvoir, pour l'honneur, pour les yeux, beaux yeux de la jolie, très jolie Bérénice. Une tache, une larme dans un mouchoir jeté là au pied de l'arbre par l'enfant qui a perdu la bataille, juste la bataille. Waouh! Ah, c'est bien parce que y a évidemment beaucoup de choses dans ce que tu as lu, pas par hasard, me semble-t-il. Il y a d'abord le mouchoir, et c'est une des clés de lecture de cette pièce. On est dans une cour d'école, si je me souviens bien, et les vêtements successivement vont apporter les entrées, voir les contextes à différents, moi je dis séries de petits textes qui se suivent en collage, mais je l'ai peut-être mal exprimé, je te laisse nous en parler plus, plus précisément. Non, bah c'est ça en fait, c'est, moi je suis toujours attaché à la petite histoire qui soit est interrompue par la grande, soit collabore avec la grande, etc. Et ce texte, c'est ça, c'est-à-dire, c'est comment l'école, c'est un endroit qui est assez magique parce que c'est un endroit où on a tous mis les pieds. C'est un endroit, moi, je suis très attaché à l'école publique, laïque, et que cette école, c'est un endroit de où on peut rétablir les inégalités sociales. Et que, voilà, pour moi, c'est un des piliers de la société, en même temps que la culture, l'hôpital, la justice. Ce sont des piliers de la société. Et j'avais très envie d'écrire quelque chose sur l'école. Et puis, un jour, j'étais dans une école, justement, pour parler d'un autre texte, et puis j'ai vu cette petite veste dans la cour en regardant par la fenêtre, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, les vêtements oubliés, c'est quand même cette chose qui nous relie tous, c'est-à-dire on a tous un jour oublié quelque chose, et je me suis amusé comme ça à reprendre des vêtements et en essayant d'à chaque fois de raconter une petite histoire, mais par le biais de ces petites histoires, retracer finalement 60 ans ou même plus d'histoire de France par le prisme de l'école. Je voulais faire un deuxième tome pendant un moment qui serait vu du prisme de l'arbre qu'il y a dans une cour d'école. Ouais, et on a vu des choses qui a été le témoin de Taïadé et puis qui a été le témoin de mille et une histoires dans ces cours d'école. Voilà, bon, je l'ai jamais fait parce que j'ai pas eu le temps et puis voilà. Mais l'idée c'était de travailler sur ces vêtements qui racontent, qui sont des témoins de tout cette chose qui se passe dans les écoles. Et il va y en avoir des thèmes qui sont abordés. Alors il y a un côté poétique et même musical dans le texte à plusieurs moments, puisque il y a des petites comptines d'enfants qui sont reprises, qui sont celles d'ailleurs des cours d'école, bien sûr. Mais il y a aussi des sujets plus réalistes. C'est le fils d'ouvrier comparé au fils de patron. C'est un père qui est collaborateur. On se retrouve à la période de guerre, il y a l'étoile jaune qui intervient, il y a la malbouffe, la légende de Jimmy, enfin il y a tout un mélange. Ce qui est intéressant, et je crois que tu dis ça quelque part dans un texte qui présente cette pièce, c'est cette idée que liberté à chacun de recoller les bouts comme il veut, de reconstituer sa propre histoire à travers ses petites histoires. Oui, c'est un texte, c'est un puzzle. Après, moi, mon puzzle, il est construit, c'est-à-dire que j'ai passé un temps fou à me... En fait, il y a un ordre qui est très, très défini pour moi. J'ai passé beaucoup de temps à définir l'ordre, mais effectivement, c'est un peu comme un tangramme. Si on a les 7 pièces et qu'on fait autre chose, on peut faire une autre forme. Mais ma forme à moi, elle est celle que j'ai décidée. Et l'idée, c'est qu'effectivement, je trouve ça fascinant les cours d'école, parce que c'est un endroit, je vois dans l'école de mes enfants, dans l'école primaire de ma fille, c'est des écoles qui ont 80 ans, même peut-être plus, 100 ans. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour les écoles plutôt dans région parisienne, qui sont des écoles plus jeunes. Mais mine de rien, l'école où j'étais moi à Sartrouville, ça fait déjà presque 40 ans et elle existe toujours. Ouais. Donc il y a 40 ans, il se passait déjà des choses, des injustices, des choses drôles, des choses chouettes, des choses dramatiques. Il y a eu des blessés, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes de d'amour, il y a eu des larmes de joie. C'est un lieu de vie assez extraordinaire, une école. Oui, et comment... C'est un lieu universel. C'est un lieu universel. Voilà. Et il parle une langue universelle, je trouve. oui, on pourrait dire que... Ouais, parce qu'en fait, toutes ces petites histoires-là, elles sont toutes imbriquées. Ça fait comme un puzzle. Hein. Et ça nous amène effectivement à des sujets internationaux même. J'ai envie de dire, voilà, bon, ce livre concerne la France. Mais tout est... En fait, vous vous adressez aux enfants. Et par ce biais-là, vous arrivez quand même effectivement à développer des thèmes politiques. Oui, bah pour moi, l'écriture, c'est un acte politique. Alors effectivement, je donne pas forcément une carte de telle ou telle partie à l'intérieur du livre. Mais écrire, de toute façon, c'est déjà un acte politique. On écrit en même temps pour faire rêver, mais en même temps pour faire réfléchir, à mon goût. C'est-à-dire que je me pose souvent la question de pourquoi j'ai envie d'écrire ça. Et pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre, c'était pour rendre hommage à une grande dame qu'est l'école. Moi, j'ai eu un parcours très moyen, très classique, je dirais. Je n'aime pas trop le rapport qu'ont à l'école quelques one-man shows, quelques comiques sont fiers d'annoncer qu'ils étaient nuls à l'école et qui maintenant sont millionnaires. Je trouve ça absurde et abject comme comportement. C'est-à-dire que moi, j'étais pas un très bon élève, j'étais un élève assez moyen, mais je revendique l'école comme étant la priorité d'un pays, en fait. Et que jamais je ne cracherai sur cette école dedans, mais de rendre hommage et promouvoir l'école, ça ne veut pas dire que tout va bien, parce que la fin du texte aussi a tout ce questionnement sur l'école contemporaine. Rendre hommage, c'est aussi critiquer, c'est aussi poser questions, c'est aussi essayer de changer les choses. Mais vraiment, j'avais très très envie de parler d'école, et ça, c'était primordial pour moi. C'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, pourquoi j'ai envie de parler de ce lieu-là? Parce que c'est un lieu qui peut sauver nos sociétés, mais qui peut aussi les démolir. Mmh. Alors, dans le texte, parce que les écoles, ce sont les enfants, mais c'est aussi quelques adultes, notamment les professeurs. Et j'ai eu l'impression que on rentrait dans le texte par l'enfant dans l'école, mais que, arrivé en deuxième partie, finalement, c'était presque un texte qui pouvait être appréhendé par le monde adulte et notamment les professeurs dans un cadre pédagogique. Est-ce qu'il a été rédigé dans ce sens, construit un petit peu dans ce sens? Alors, nous, non, parce que nous, on n'est pas du tout, on ne fait pas des œuvres pédagogiques, ouais. Mais il sert énormément. Voilà. Alors, il y a un des textes, par exemple, le texte sur la cagoule de Samir a énormément été utilisé par les réseaux RESF, notamment en France. Le texte, alors c'est un texte aussi, le texte dans sa globalité porte débat, porte conflit par moment. Il y a eu des fois, il y a eu censure sur ce texte par moment dans certains lieux d'éducation. Mais il sert aussi beaucoup il sert aussi dans les formations de professeurs et d'enseignants, la dernière partie notamment. C'était pas forcément le but, mais effectivement c'était... Moi, j'ai construit mon texte plus comme une dramaturgie classique, ben, pas classique justement, mais une dramaturgie simple, c'est-à-dire qu'on rentre à l'école, on a 6 ans, on en ressort à l'âge, on arrive à l'école en sortant un tout petit peu de l'âge bébé, en tout cas de l'âge, voilà, on est encore dans l'enfance évidemment, mais quand on en sort à 18 ans, on est dans le début de l'âge adulte. Donc, on arrive dans ça commence par des textes très enfantins. Et ça finit par une réflexion sur l'école que pourrait tenir un jeune lycéen ou une jeune lycéenne qui vient d'avoir son bac. C'est ça, il y a une espèce de maturité du texte au fur et à mesure de la lecture. Ouais, ouais. Alors, c'est un texte qui ne laisse pas indifférent, le temps aussi ne nous laisse pas indifférent, malheureusement. On arrive un peu au bout de cette interview. Je rappelle que vous pouvez aller, alors du coup, écouter le texte de Sylvain Levet, donc Sans culotte et sans papier, prochainement au théâtre de l'usine à Iranie. Le 17 novembre. Tu as l'heure aussi sous les yeux? Non. C'est à 16h, hein, c'est en matinée. Donc, je pense que ça vaut le coup d'y aller, éventuellement adulte-enfant, parce que il y a de vraies discussions derrière ce texte. Et on remercie beaucoup Sylvain Levet d'être venu jusqu'à notre studio. Et je l'espère à bientôt. Et bien, à bientôt. Merci. Merci. Et oui, voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté d'Henry et Vienne en Artie, et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Sylvain Levet, auteur de théâtre jeunesse, d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 3e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 2 décembre à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne soirée à tous.